À l'occasion du 27 juillet, jour de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, l'homepage internet du Comité national d'études du kimilsonisme et kimjongnisme de Nigéria a fait paraître un écrit titré 27 juillet de la Corée, alors qu'il a fait lire le 29 juillet un écrit contre Kerry, secrétaire d'État américain, qui a prétendu lors de la récente conférence ministérielle du Forum de l'ASEAN déroulée au Laos que les États-Unis n'ont pas l'hostilité à la Corée du Nord, bien qu'ils ont déployé en Corée du Sud des biens stratégiques de toutes sortes, en criant ouvertement l'opération de suppression de la direction suprême et l'occupation de Pyongyang.